pas de long discours, un ciel suffira pour parler de moi. Ne lis pas mes lèvres, mon regard, si j'ai pas les mots. Un long soupir, un ciel suffira pour parler de moi. J'en fais un sourire noyé, mes yeux virent mon rayon. Pas de long discours, un geste suffira pour parler de moi. Ne lis pas mes lèvres, lis mon regard si j'ai pas les mots. Un long soupir, un geste suffira pour parler de moi. J'enfile un sourire noyé, mes yeux sur la marée. Pas de long discours, un geste suffira pour parler de moi. Ne lis pas mes lèvres, lis mon regard si j'ai pas les mots. Un long soupir, un geste suffira pour parler de moi. J'enfile un sourire noyé, mes yeux sur la marée. Encore un soir où la pluie tombe, des idées noires sur la pluie tête. J'fais 10 fois le tour de la ville, vide la taille dans la vitelle. Wesh, des refs qui sont béton, des ailes sur son écras. Oublie pas qu'on vient d'en bas et qu'on veut toucher les étoiles. Bon qu'à saouler sous les toits, où se buter sur le chrome assis. C'est tes oreilles qu'on traumatise quand tu te remets à douter de toi. Tout est noir, j'fais les 400 couler sans pas. Pété dans la 100 cap, sans péter des gaines de 100 papes. Les années passent, 10 ans plus tard, toujours les mêmes bêtises. 10 de plus, retour de flamme, tu sais ici la haine se déguise. J'ai vu l'avenir dans les yeux de ma chair, donc nique le reste, frère. Dans 10 piges, tu m'appelleras machin. Besoin de rien, juste la santé, paraît que c'est le minimum. Encore un soir où je ferme les yeux et je coffe la rage de Jim. J'ai du mal à faire mon deuil là où les rats passent flair la chair. Mais parlons peu, restons seuls pour pas finir ou pas faire la chaise. Pas de long discours, un geste suffira pour parler de moi. Ne lis pas mes lèvres, lis mon regard si j'ai pas les mots. Un long soupir, un geste suffira pour parler de moi. J'enfile un sourire noyé, mes yeux sur la marée. Pas de long discours, un geste suffira pour parler de moi. Ne lis pas mes lèvres, lis mon regard si j'ai pas les mots. Un long soupir, un geste suffira pour parler de moi. J'enfile un sourire noyé. Voyez mes yeux si la marée monte. Encore un soir où le silence pestasse. J'tends des bruits qui courent, des fuites qui bourdent dans le temps. Bruit dans le bar, des larmes qui blessent à hâte. Dans le fond, ça pèse l'âge. J'ai le dos rempli de balafre. Et vu ce qui vient de derrière, j'crois plus trop en la vie de palace. J'reste pas longtemps, j'prends pas la guerre, j'leur donnerai pas mon temps. J'vois des changements de ton, des mères qui pleurent, des papas pas contents. Tous dans la merde, l'histoire et même les faits ont différé. De la différence, des regards, des amis d'enfance déférés. Putain, les hommes en peine, c'est le cœur, c'est guise l'amour. Et ici bas, j'connais personne, mon rêve qui guise la mort. Des longs débats, les cris de la nuit, de la peine à plus s'entendre. De haut débat dans le bruit de la vie, ma haine a plus de 100 ans. J'sais plus, j'm'en tape, j'ai plus que des marques de ce que ma vue en baume. Faut que j'parte en bas avec les nuages, sont plus beaux vus d'en haut. De la guerre, des ronds, des fixes, des rotards. Quand les fantômes parlent, pas ton discours, y'a des meufs frères, pas de long discours, un geste suffira pour parler de moi. Ne lis pas mes lèvres, lis mon regard si j'ai pas les mots. Un long soupir, un geste suffira pour parler de moi. J'enfile un sourire noyé, mes yeux sur la marée. Pas de long discours, un geste suffira pour parler de moi. Ne lis pas mes lèvres, lis mon regard si j'ai pas les mots. Un long soupir, un geste suffira pour parler de moi. J'enfile un sourire noyé, mes yeux sur la marée. Je vais pas rapper ma Zermi, je l'ai quitté depuis longtemps. Nique les canettes, les parkings, les pilons tard. J'ai ma petite visée beau et j'en ai largement assez. Avec les potes à l'époque, j'ai graille de l'eau en large la scène. Aujourd'hui, je gratte un 16, mate la scène. Trop de mecs qui t'a placé, c'est pour les mal classés qui bougent la tête sur la cassette. Fais péter le sang que je fit avec mes semblables. Fit avant que ça s'embrasse pour un billet de 100 balles. Y'a rien à faire ici, le temps est long, c'est la galère. On est bon qu'à squatter le banc, à grailler la galette. Les mecs sont cool, mais jouent pas avec leurs couilles. Alcool, shit et feuilles, ouais, c'est chum. Mais y'a que ça qui nous console. Nos vies se consument, pourquoi j'écris, j'en perds le fil. J'ai pris le chromis sous mon aile, fusionnel comme père et fille. Faut pas que je m'enterre ici ou rater le coche. C'est plus ces choses qui me terrifient. Comme péricide, je grosse frappe dans la chaîne, il fit. Pas de long discours, un geste suffira pour parler de moi. Ne lis pas mes lèvres, lis mon regard si j'ai pas les mots. Un long soupir, un geste suffira pour parler de moi. J'enfile un sourire noyé, mes yeux sur la marée. Pas de long discours, un geste suffira pour parler de moi. Ne lis pas mes lèvres, lis mon regard si j'ai pas les mots. Un long soupir, un geste suffira pour parler de moi. J'enfile un sourire.